Chapitre 25e. Rien qu'à voir dans la rue le sieur Verminet, on reconnaît l'homme important, le capitaliste, le retripotier d'affaires prospères. Il marche en se dandinant, des épaules aussi bien que des jambes, le front haut, la bouche souriante et dédaigneuse, regardant les magasins de l'air d'un millionnaire qui a de quoi tout acheter, et lorgnant les femmes d'un œil impertinent. André n'eut aucune peine à le suivre, bien que tout neuf à ce métier de fileur, plus difficile qu'on ne soupçonne, et qui est l'exemple de tous les métiers à ses théories invariables, ses règles reconnues, ses calculs tout faits, sa pratique en un mot, qui le simplifie singulièrement. Le temps était beau, l'air tiède, l'honorable directeur de la Société d'escompte mutuelle en profita pour choisir le chemin le plus long, un homme qui, après une journée bien remplie, la conscience tranquille, s'accorde une honnête récréation. Au lieu de prendre la rue Neuve des Petits Champs, il gagna les boulevards, qu'il longea doucement, flânant, savourant son cigare, distribuant des saluts de droite et de gauche et échangeant des poignées de main. Et André, qui marchait derrière à 15 pas, ne perdait pas son homme de vue, s'étonnait de la quantité de gens que connaissait ce surprenant financier et aussi de l'accueil que tout le monde lui faisait. « Ah ça !» pensait-il un peu déconcerté, « me serais-je trompé ? On voit mal et peu juste quand on regarde à travers le prisme de la passion. » Ce Verminet ne serait-il pas ce que j'imagine? Aurais-je pris pour des indices concluants des chimères de mon imagination? André, le laborieux artiste, uniquement occupé de son avenir et de son art, n'avait aucune idée de cette large fraction de la société parisienne qui, en fait de honte et d'infamie, ne reconnaît que celle de n'avoir pas d'argent, à soi ou aux autres, gagné ou volé. Monde à part où le mépris n'existe pas, où tout homme, tant qu'il est bien mis, à 25 louis en poche, a droit aux égards des autres, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il fasse, quoi qu'il doive faire. Cependant, Verminet, ayant atteint le boulevard Poissonnière, jeta son cigare et changea brusquement d'allure. C'est du pas le plus rapide qu'il suivit successivement la rue Poissonnière et la rue du Petit Carreau. Enfin, arrivé presque à l'extrémité de la rue Montorgueil, non loin des Halles, il tourna court, entra sous une vaste porte cochère et bientôt disparut. Où allait-il? André n'eut pas la peine de conjecturer. Deux écriteaux qui resplendissaient de chaque côté de la porte étaient là pour le lui apprendre. Verminet venait d'entrer chez B. Mascaro, et ce Mascaro était tout simplement un agent de placement pour domestiques et employés des deux sexes et autres. L'humilité de la profession déconcerta singulièrement André. Il avait compté sur une découverte plus brillante, plus significative surtout. N'importe. Il résolut d'attendre Verminet, et pour se donner une contenance, il traversa la rue, et sans perdre de vue la porte du placeur, il parut s'absorber dans la contemplation de 3 ouvriers mécaniciens qui posaient des volets à glissement aux boutiques d'une maison neuve. Heureusement, la faction d'André dura peu. Il n'y avait guère qu'un quart d'heure qu'il faisait le guet, lorsque, dans la cour de la maison du placeur, il vit paraître Verminet. 2 hommes l'accompagnaient, l'un grand, maigre, portant des lunettes de couleur, l'autre gras, fleuri, souriant, qui avait la tournure et les façons de la meilleure compagnie. Bientôt ils s'avancèrent jusqu'à la rue, et debout sur le bord du trottoir, ils continuaient de s'entretenir avec une certaine animation. Certes, André eut donné la moitié des 20 000 francs qu'il avait en poche pour entendre quelque chose de leur conversation, et il manœuvrait pour se rapprocher, quand non loin de lui éclatèrent 2 coups de sifflet si violents qu'ils dominèrent le bruit de la circulation. Ces coups de sifflet étaient si bizarrement modulés qu'ils frappèrent André, et il ne fut pas le seul à être frappé. Il vit fort distinctement le grand monsieur à lunettes qui parlait à Verminet tressaillir et regarder vivement autour de lui. Mais le jeune peintre n'attacha aucune importance à cette particularité, et il avançait toujours, dissimulé par un flot de passants, quand les 3 interlocuteurs brusquement se séparèrent. L'homme aux lunettes entra dans la maison. Verminet et l'homme aux manières distinguées s'éloignèrent dans la direction des Halles. André eut 10 secondes d'hésitation. Que faire? Devait-il tâcher de savoir qui étaient ces 2 inconnus? Il apercevait sous la porte du placeur un marchand de marron qui pourrait peut-être lui donner des renseignements. « Non, se dit-il, ce marchand sera toujours là, tandis que je ne saurais où rejoindre Verminet et son compagnon. » Il s'élança donc sur leurs traces. Ils ne le conduisirent pas loin. Ils traversèrent l'obscur passage de la Reine de Hongrie, tournèrent à droite dans la rue Montmartre et entrèrent dans une maison de belle apparence. Mais comment savoir qui ils allaient visiter? Le plus naïf fileur n'eût pas été embarrassé. André l'était extrêmement lorsque, s'étant approché, il distingua au fond du vestibule, sur une plaque de marbre, ces mots « Bureau au premier ». Ce fut un trait de lumière. « Eh ! » pensa-t-il, « c'est ici que demeure le banquier Martin Rigal. » Il entra à son tour, questionna la concierge, il ne s'était pas trompé. « Décidément, se dit-il, j'ai de la chance. Et si mon petit marchand peut m'apprendre qui sont ces deux inconnus, j'aurai fait une bonne campagne, pourvu qu'il ne soit pas parti. » Non seulement il ne s'était pas éloigné, mais il y avait deux marchands pour un près du réchaud, deux jeunes drôles en blouse, la casquette sur l'oreille, qui discutaient avec tant d'animation qu'ils ne remarquèrent pas André quand il vint se placer tout près d'eux. Ces messieurs débattaient un marché. « C'est assez me lanterner comme cela, » disait l'un. « J'ai dit mon dernier mot à ton père. Vous voulez ma place et mon réchaud, c'est 250 francs. » « Le vieux ne donnera pas plus de 200 francs. Alors il peut se fouiller. 200 francs, une place de 100 sous par jour, il n'est pas chien. Et j'ai fait des journées de plus de 10 francs, fois de Toto Chupin. » Toto Chupin. Le nom plut à André, et c'est à celui qu'il portait qu'il s'adressa. « Mon ami, lui demanda-t-il, vous étiez là tout à l'heure. Avez-vous vu descendre de cette maison et causer un instant sur la porte trois messieurs ?» Le jeune drôle commença par toiser de l'air le plus insolent ce questionnaire qui osait l'interrompre, puis d'un ton brutal, « Qu'est-ce que cela peut vous faire à vous » dit-il. « Passez donc votre chemin. » André n'avait pas étudié les gens de bourse, mais il avait observé, et d'un peu plus près qu'il n'eût voulu, jadis, ces tangences parisiennes, dont Toto Chupin était un agréable spécimen. Il en connaissait la langue et les mœurs. « Réponds toujours, insista-t-il, ça ne t'écorchera pas la bouche. « Eh bien, oui, je les ai vus, et après ?»« Après ? Il y a que je voudrais bien connaître leurs noms. Les connaîtrais-tu par hasard ?» Toto Chupin avait soulevé sa casquette pour se gratter la tête, ce qui est sa façon de stipuler son intelligence, et tout en ébouriffant ses vilains cheveux jaunâtres, il guignit André, l'examinant curieusement, le soupesant, pour ainsi dire, l'évaluant. « Et si je les connaissais, ces hommes ? » répondit-il enfin. « Si je vous disais leurs noms, que me donneriez-vous ? 10 sous. » Le mauvais drôle gonfla tant qu'il put une de ses joues et appliqua dessus un bruyant coup de poing, ce qui est l'expression superlative de son ironie et de son dédain. « Prenez garde de casser vos bretelles !» s'écria-t-il avec un inexprimable accent. « 10 sous, oh là là, voulez-vous que je vous les prête ?» André haussa tranquillement les épaules. « Pensais-tu donc que j'allais t'offrir 20 000 livres de rente ?» À sa grande surprise, Toto éclata de rire. « Gagné !» « J'avais parié avec moi que vous n'étiez pas un cocodès. J'ai gagné, je me dois un canon. »« Et à quoi reconnais-tu cela ?»« Tiens, un cocodès m'aurait offert 100 sous. J'aurais demandé 20 francs. Il en aurait aboulé 10, autant de francs que vous dessous. » Le peintre ne put dissimuler un sourire. « Tandis que vous, poursuivit Toto, on ne vous fait pas voir le tour. » Il s'interrompit, et la contraction de ses lèvres et de son front trahissait l'effort de sa pensée. Maître Toto Chupin était fort perplexe. Ses noms, il les savait. Devait-il les dire? Son flair exercé reconnaissait un ennemi. Ce n'est point aux marchands de marrons que les gens bien intentionnés s'adressent pour obtenir des renseignements. Parler, c'était, selon toute probabilité, causer quelque préjudice à B. Mascaro, ou au sien, à Beaumarchef, ou au doux Tantaine. C'est là ce qui décida Chupin. Bon, je vais vous les dire, ces noms. Gardez vos 10 sous. Je vous les dirai à l'œil, parce que vous me plaisez, foi de Toto. Le grand sec, c'est le patron, le papa Mascaro, quoi. L'autre, le gros père, c'est son ami, le docteur Hortebise. Quant au troisième, attendez donc que je cherche. Oh, celui-là, je le connais, il s'appelle Verminet. Vous y êtes. André était tellement enchanté de Chupin qu'il tira de sa poche et jeta sur le couvercle du fourneau une pièce de 5 francs en disant « Tiens, voilà pour ta peine. » C'est avec une grimace et un geste de singe que le garnement ramassa la pièce. « Merci, mon prince, » fit-il. Il allait ajouter quelques plaisanteries, quand, après un coup d'œil jeté dans la rue, tout à coup sa physionomie prit une expression sérieuse et inquiète, et il arrêta sur le jeune peintre un regard singulier. « Qu'y a-t-il ? » demanda André, qui surprit ce regard. « Rien, » répondit Toto. « Oh, rien du tout, seulement. Tenez, vous avez l'air bon enfant, vous, et pas fier. Eh bien, moi, à votre place, je me méfierais. » « Et de quoi, bon Dieu ?» « Dame, je ne sais pas, moi. C'est une idée que j'ai comme cela, qu'on voudrait vous faire chanter. Mais en voilà assez, pas vrai ?» Il tourna le dos, sur ces derniers mots prononcés d'un ton rogue, et reprit avec son acheteur la discussion du marché. Le jeune peintre avait grand peine à cacher son profond ébahissement. Il comprenait bien que cet affreux drôle devait savoir quantité de choses qui lui seraient prodigieusement utiles. Mais il comprenait aussi que pour le moment il était résolu à se taire et que ce serait folie que d'essayer seulement de lui tirer un mot. Il pensa que mieux valait en rester là pour le moment et revenir le lendemain. N'était-il pas certain de toujours retrouver le jeune drôle alors même qu'il faudrait le faire rechercher par son successeur? D'ailleurs, l'heure de son rendez-vous avec M. Debreuil approchait. « Au revoir, Toto Chupin, une autre fois. » Un fiacre vide passait. André y monta, ordonnant au cocher de le conduire au rond-point des Champs-Élysées. S'il ne donnait pas l'adresse du café où il devait se rencontrer avec M. Debreuil Faverley, c'est que selon le conseil de Toto, il se défiait. Oui, il se défiait extrêmement. Il se souvenait de ces deux coups de sifflet singuliers qui avaient fait tressaillir Mascaro et décidé la rupture de la conférence. Il se rappelait que c'était après un coup d'œil dans la rue que Toto Chupin, devenu subitement soucieux, l'avait engagé à se défier. « Morbleu ! » s'écria-t-il, soudainement illuminé par le souvenir d'une histoire qu'il avait entendu conter autrefois. « Je comprends, on me suit. » La secousse qu'il ressentait de cette découverte si extraordinaire était trop violente pour qu'il songeât, sur le moment, à en tirer les déductions logiques et les dernières conséquences. « Je chercherai plus tard, » se dit-il, « et je trouverai. L'important pour le moment est de dérouter les poursuites. » Il abaissa une des glaces du devant de la voiture et tira le cocher par son manteau pour appeler son attention. Quand cet homme se fut retourné et penché vers lui, « Écoutez-moi attentivement, » dit-il, « et sans arrêter. J'écoute, bourgeois. D'abord, je vais vous payer votre course 5 francs, et d'avance. Les voici, prenez-les, ce sera autant de fait. Mais, bourgeois, maintenant, mon brave, au lieu de remonter les Champs-Élysées, ce qui est le chemin pour me conduire où je vous ai dit, vous allez me faire le plaisir de prendre par la rue Royale et le faubourg Saint-Honoré. Vous marcherez le plus vite possible jusqu'à la rue de Matignon, dans laquelle vous tournerez. Seulement, en tournant cette rue, retenez vos chevaux pendant une demi-minute. Vous repartirez ensuite à fond de train. Et une fois aux Champs-Élysées, vous irez où vous voudrez, je ne serai plus dans la voiture. » Le cocher eut un petit sifflement qui voulait être malicieux. « Connu, vous êtes filé, et vous voulez faire perdre votre piste. Il y a quelque chose comme cela. Alors, bourgeois, attention au commandement. Ne sautez qu'après le tournant parce que je tournerai court. Et surtout, ne sautez pas du côté du trottoir. La chaussée est moins dangereuse si on manque son coup. » Ce cocher intelligent était adroit aussi. Aussi, à la rue de Matignon, il prit si bien ses mesures qu'André put sauter sans se faire le moindre mal et eut le temps de se précipiter dans l'allée obscure d'une maison avant que personne eût tourné la rue. Comme cela, pensait-il, je vais bien voir si je suis filé et par qui. Mais c'est vainement que le jeune peintre embusqué derrière la porte de l'allée, l'œil et l'oreille au guet, attendit. Après 5 minutes qui lui semblèrent éternelles, rien encore n'avait paru, ni voiture, ni piéton, justifiant ses présomptions. Me serais-je effrayé à tort, pensait-il? Non, ce n'est pas supposable, le hasard n'a pas de telles coïncidences. La nuit venait, plus d'un quart d'heure s'était écoulé. André se décida, non sans un violent dépit, à abandonner son poste pour rejoindre M. Debreuil. Car avec toutes ses idées, pensait-il, je suis sûr que je me fais attendre. Il avait en cela grandement raison. En approchant de ce petit café des Champs-Élysées, choisi pour les rendez-vous, il reconnut, stationnant le long de la contre-allée, le coupé de M. Debreuil Faverley, et un peu plus loin, le gentilhomme faisait les 100 pas en fumant un cigare. Au même moment, M. Debreuil, de son côté, l'aperçut. « Arrivez donc, paresseux !» lui cria-t-il en s'avançant rapidement, la main tendue. « Savez-vous que voici 20 bonnes minutes que vous me condamnez au pied de grue ?» Le jeune peintre voulut s'excuser, mais le gentilhomme l'arrêta. « Parbleu ! » fit-il d'un ton plus amical. « Je devine bien qu'il a fallu pour vous retenir quelques motifs très graves. Seulement, vous l'avouerai-je, mon cher ami, je commençais à n'être plus fort rassuré. »« Vous étiez inquiet, monsieur ? Pour vous, oui. Rappelez-vous donc mes recommandations de l'autre soir. » « Monsieur Henri de Croisenois est un insigne gredin. » André se taisait, M. Debreuil lui prit familièrement le bras. « Promenons-nous, cela vaut mieux que d'aller nous attabler dans le café. »« Oui, en effet, marchons. »« Je veux dire, » poursuivit le gentilhomme, « que je crois ce misérable marquis capable de tout. »« Ah, vous aviez deviné du premier coup. » »« On lui voit en perspective un héritage très considérable, celui de son frère Georges, il en parle sans cesse. »« Ce n'est qu'à l'heure à créancier. » Il y a longtemps qu'il en a mangé le fond et le tréfond de cet héritage. Un homme ainsi acculé est terriblement dangereux. « Oh, je ne le crains pas. Mais moi, je craignais pour vous, ami André. Ce qui me rassurait pourtant, c'est que le misérable ne vous connaît pas. » Le jeune peintre hocha la tête. « Non seulement le misérable me connaît, répondit-il, mais il doit soupçonner mes desseins. » M. Nebrel, sur ces mots, s'arrêta court. « Impossible, » fit-il. « Cependant, aujourd'hui, toute la journée, j'étais suivi. Je n'en ai pas la preuve matérielle, mais j'en mettrai ma main au feu. Jugez-en. » Et sans attendre une réponse, André raconta brièvement, mais de la façon la plus claire, tous les incidents de sa journée. Lorsqu'il eut terminé, « Vous avez raison, » approuva M. de Breuil d'une voix grave. « Vous êtes sur la piste des ignobles scélérats qui prétendent exploiter le comte et la comtesse de Mussidan. Mais ils le savent et leurs précautions sont prises. Oui, vous avez été suivi, n'en doutez pas. Et désormais, vous ne ferez pas un pas sans être environné d'espions. À cette heure même, je suis sûr qu'il y a ici près une paire d'yeux qui nous observe. » Il regardait autour de lui en parlant ainsi, mais il faisait déjà sombre, il ne vit rien. « Pour ce soir, du moins, » reprit-il, riant tout bas de l'idée qui lui venait, « nous fausserons compagnie à vos observateurs, et si nous dînons ensemble, ils ne sauront certes pas où. Venez vite. » Sur le siège du coupé, le cocher dormait. M. Nebrel l'éveilla et lui donna ses ordres à voix basse. « Vous allez voir, » dit-il ensuite à son compagnon, en prenant place près de lui dans la voiture. À la foudroyante rapidité du cheval, lancé dans la direction de l'avenue de l'impératrice, André ne pouvait pas ne pas comprendre. « Que pensez-vous de l'expédient ? » disait gaiement M. Nebrel. « Nous allons nous promener dans ce train pendant une heure et nous reviendrons par l'avenue de Saint-Ouen et la rue de Clichy. Au coin de la chaussée d'Antin, on nous arrête, nous descendons lestement et nous sommes libres. Ceux qui nous suivraient auraient de bonnes jambes. » Tout se passa bien ainsi. Seulement, au moment où M. Nebrel sautait rapidement à terre, il vit comme une ombre se détacher de la caisse de la voiture, s'enfuir et se perdre dans la foule du boulevard. « Morbleu, il y avait un homme là » s'écria-t-il. « J'ai cru dépister l'espion, je l'ai simplement promené. » Et aussitôt, voulant en avoir le cœur net, il retira ses gants et alla palper successivement les cieux et les ressorts du coupé. « Plus de doute, » dit-il à André, « touchez, le fer est encore chaud. Le gredin met les jambes passées ici et se tenaient là. » Le jeune peintre ne répondit pas, mais sa déconvenue de tantôt lui fut expliquée. Pendant qu'il se précipitait dans l'allée, l'homme qui le suivait était emporté par le fiacre. Cette aventure attrista le dîner, et dès 6 heures, André demanda la permission de se retirer. Il était écrasé de fatigue.